Toujours un plaisir de le recevoir en studio dans l'émission Le Retour pour revenir sur des événements marquants dans l'histoire de la région. Stéphane Garneau, notre historien archiviste. Salut Stéphane. Bonjour Alain, ça va bien? Oui, toi? Très bien, oui. Tu m'amènes des sujets fort intéressants. Et là, on va jaser aujourd'hui d'un sportif de calibre international qui est déjà venu ici à Thetford. Oui, un grand visiteur. Je dirais que... Et fort. Hein? Parmi les sportifs là, les plus connus, je pense que... Joe Louis, pour ceux qui se demandent, c'est le boxeur Joe Louis qui est venu chez nous en 1953. C'est probablement le plus connu. Mais, je vais parler de Joe Louis. Ouais. Il y a eu quelques autres mondes plus connus qui sont venus déjà chez nous. Okay. Je vais dire un petit mot. En 1900, donc avant même que Thetford soit Thetford Mines, on s'appelait encore Kingsville, à l'époque encore un village. On avait la visite du premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier. Ah, il était venu ici? En octobre 1900, dans le cadre d'une campagne électorale. Ouais, okay. Fait qu'il était venu appuyer son candidat. Tu sais, à la limite, Laurier était quand même pas loin, il vient de Victoriaville, fait que c'est un peu quand même proche de sa région. En 1939, là, on a eu la visite, le passage du train de leur majesté, le roi d'Angleterre et sa femme. Oui, oui. T'sais, il faisait une tournée pan-canadienne. Oui. Et ça, c'est drôle et pathétique à la fois. C'est parce que les gens à Thetford Mines, eux, pensaient que le train allait s'arrêter à la gare, qu'il allait avoir un petit speech et donc remise de fleurs et tout et tout. Et finalement, le train n'a fait que ralentir. Et c'est triste parce que, tu sais, je vois des photos au centre d'archives. Oui, j'ai vu déjà vu. On voit la foule sur le... Ouais. Les scouts sont là, les notables sont là. Bouquet de fleurs. Puis il y a une petite jeune fille, oui, avec un bouquet de fleurs pour la remettre. Puis on dit dans le journal à l'époque, elle a couru après le train, elle a lancé son bouquet et malheureusement, la reine a échappé le bouquet. Donc, bouquet est tombé sur les rails. Arrête. Et là, Alain, je te dirais pas que le lendemain, ce qu'on pouvait aller dans les journaux de l'époque, hein. Ben... Et on était dithyrambés contre la compagnie ferroviaire qui n'a pas dit à leur majesté dans quelle ville ils étaient. Parce que si leur majesté savait que c'était Thetford Mines, l'importance mondiale de la ville... À ce moment-là. Il aurait sûrement arrêté le train. Ah... Sinon, bon, ben... Je l'ai déjà vu passer, cette histoire-là. C'est pathétique. Ouais, des vrais visiteurs, on a eu évidemment des gouverneurs généraux, Lord de Tweedsmuir en 1936. Et en 20 ans plus tard, en 1956, Vincent Massé, qui était le premier Canadien à occuper la fonction de gouverneur général du Canada. Et bon, et 10 ans plus tard, après la visite de Joe Louis, on a eu la visite de Monseigneur Sebastiano Baggio, qui lui était un peu l'ambassadeur du Vatican. Okay. Qui est débarqué à Thetford Mines. OK, oui. Fait qu'on a eu quand même des grands noms. Joe Louis est un boxeur qui a connu toute une carrière. Hein? Oui, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, dans le fond, là, Joe Louis, c'est pas les gâteaux de Joe Louis, il ne faut pas se mélanger. Non, là. Mais oui. Les gâteaux de Joe Louis n'ont pas été nommés en l'honneur de Joe Louis. C'est le nom de deux des enfants du fondateur de la compagnie, qui c'était Joseph et Louis. Ici, Joe Louis, c'est avec un E. Donc, il est né sous son vrai nom. Il s'appelle Joseph Louis Barrow, le 13 mai 1914, à Lafayette, en Alabama. Hein, on dit très tôt commence une carrière de boxeur. À ses débuts chez les amateurs, là, il remporte 43 de ses 54 combats par KO. Mmh. Hein, on dit qu'en 1934, il va passer chez les professionnels. Et trois ans plus tard, soit le 27 juin 1937, il devient champion du monde des poids lourds, alors qu'il défait James G. Braddock dans un combat disputé à Chicago. Là, si le nom de James G. Braddock vous dit quelque chose, c'est normal, parce que si vous avez vu le film Cinderella Man avec Russell Crowe, c'est lui qui joue James D. Braddock. Okay, c'est ce personnage-là. Fait que c'est lui que Joe Louis a battu pour devenir champion du monde des poids lourds. Okay. Il reste invaincu, on dit, jusqu'à sa retraite qui a eu lieu le 25 juin 1948. Et son surnom, c'est le Bombardier Brun. On dit qu'il défend 25 fois consécutifs sa couronne mondiale des poids lourds. Ça, c'est un record encore inégalé aujourd'hui. Il cognait dur. Ouais. Hein? Bon, on dit qu'il décède le 12 avril 1981 à Las Vegas. Et la ville où il a résidé le plus longtemps, là, c'était Détroit. Et on a nommé l'aréna son nom. C'était Joe Louis Arena. Oui, que les Red Wings jouaient. C'est en plein ça. C'est ça. Ouais. OK. Là, vous allez me dire, bon, on a fait de la carrière. Pourquoi qu'un bon matin, hein, ça se fait qu'il venait à Thetford, lui? Il se lève un matin en disant, Je vais à Thetford aujourd'hui. J'ai jamais été, ça a l'air beau comme place. Ça a l'air beau, hein? Oui. Surtout qu'on est au mois de novembre. Hein? Quelle belle température. Dis-nous ça. Pourquoi il est ici? En 1953, soit 5 ans après sa retraite, la maison de production Walter P. Chrysler Jr. réalise un film sur la vie de l'ancien champion des poids lourds, hein, avec dans le rôle principal Colley Wallace, Hilda Sims et Paul Stewart. Bon, le film sort en salle aux États-Unis le 18 septembre. Okay. Et pour le Canada, dans le cadre des activités promotionnelles entourant la sortie du film, la compagnie décide de lancer un grand concours pour savoir quel sera le premier cinéma au Canada à diffuser le film. OK. Et suite au tirage, c'est le cinéma Pigalle de Thetford Mines qui est le grand gagnant. Ah oui! Là, je sais qu'aujourd'hui, ça peut vous paraître incroyable que le cinéma Pigalle Mais il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le cinéma Pigalle est ouvert le 29 janvier 1949, qui est quand même assez récent à l'époque, en 1953. OK, oui. Et c'est, bon, il est ouvert, là, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est les frères Aurel et Laurence Payeur, qui sont natifs de Pontbriand, qui deviennent les premiers propriétaires. La salle peut accueillir à l'époque 550 spectateurs, et alors était considérée comme le plus luxueux des cantons de l'Est, et le seul à posséder un système de climatisation. On dit aussi que le cinéma est pourvu de fauteuils crawler, pushback, là, qu'on, tu sais, qu'on... Oui. Un mouvement recul revient à sa place. Là. Ça pose une idée à ce moment-là. On dit qu'il y a justement 3 ou 4 salles de cinéma au Québec qui ont ce système-là. Fait qu'on avait ça ici. Là. Oui, fait qu'on est, on avait quand même un cinéma là, qui était high-tech au Québec. Là. Mais hein. On dit que la salle possède des projecteurs à vue les plus puissantes, un écran en plastique sonore conçu pour éviter les transformations de l'image. Et le coût pour entrer au cinéma à l'époque, 40 cents. Hey, j'allais dire 50. On n'était pas loin. OK. Donc, juste pour vous dire, avant de revenir à 53, tu sais, je vais vous dire là, le Pigalle, là. Quelques mois plus tard, après avoir eu le film, la première canadienne de Joe Louis, en février 54, on est l'autre d'un autre premier canadien, alors qu'on présente pour le premier au pays, le nouveau film de Dean Martin et Jerry Lewis. Ah oui! Donc, on est peu... fait qu'on est quand même un cinéma pas super. Avant-gardiste, hein? Oui. Carrément, OK. Donc, pour revenir à Joe Louis, donc, en plus d'avoir le droit de diffuser le premier, le film au Canada, ça vient évidemment avec la visite... Du célèbre Joe Louis. Du célèbre Joe Louis. OK. Et c'est dans ce cadre-là que Joe Louis va venir visiter Thetford Mines le 22 novembre 1953. OK. Et là, je vous dis, là, l'encart qui était paru à l'époque dans le journal Le Canadien pour l'annoncer, on dit c'est dimanche prochain, le 22 novembre, que le plus grand champion dans l'histoire de la boxe, celui qu'on appelait à juste titre le Bombardier Brun, et devant qui les meilleurs adversaires n'étaient pas de taille, Joe Louis sera en Ourmeux pour la première fois en chair et en os, alors qu'il paraîtra sur la scène du Pigalle, le cinéma le plus achalandé de la région qui a été choisi parmi tous les autres cinémas du Canada pour présenter le film The Joe Louis Story, en grande première canadienne. On dit oui, ce sera la première fois dans tout le pays que sera présentée la vie du célèbre athlète. C'est un grand honneur pour le Pigalle et même pour Thetford qui se fait passe avant Toronto, Montréal et Québec. Et là, Stéphane, si les gens sont vus sur Facebook, sur ta page et notre page à nous, il y a une photo, on le voit à la radio ici, à CKLD. C'est ça, oui, parce que, tu sais, oui, il va venir à Thetford, ouais. Mais il va y avoir quelques autres activités. Là. Okay. Donc, entre autres, une entrevue à la radio de CKLD. Okay. Hein, ceux qui savent que CKLD existe, là, vous me dites, hein, CKLD, oui, ça existe depuis déjà quelques temps. On dit que c'est ça, le 12 février 1950. C'est ça. C'est sur la fréquence 1230 avec une puissance de 250 watts. YM à l'époque. Malheureusement, là, on n'a pas l'entrevue. Hein. On s'imagine que sûrement dit que Thetford, c'est la plus belle ville qu'il a jamais visitée. Mais on n'a pas l'entrevue. Ça été bon. Il reste au moins une photo hein, que vous pouvez voir sur la page Facebook du Plaisir 105.5 présentement. Vous allez voir le micro de l'époque. Là, c'est un peu. Ça fait époque. Là. Hey. Donc, comme il dit, il va faire son entrevue à la radio. Il est de retour au cinéma pour. On dit autour de 4h30, parce que dans le fond, il arrive après la présentation du film pour venir signer des autographes. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il a sûrement fait ça, hein? Oui. Fait qu'après, les gens qui ont eu la chance d'assister à la première du film peuvent après ça se faire signer des autographes par Joe Louis en personne. Et où tu penses qu'il va finir sa soirée? Dans un endroit arrosé? Non! Au Stadium Payeur. Hein? Je sais pas si ça dit quelque chose, le Stadium Payeur. C'est quoi? C'est où? C'est ça? Le Stadium Payeur, le bâtiment existe encore aujourd'hui. OK. C'est situé sur la rue Notre-Dame-Est. C'est aujourd'hui occupé par Gagnon Équipement et Fournitures Industrielles, juste à côté du Betty Lunch. Ah oui? À l'époque, le Stadium Payeur, c'est un endroit où il y avait des combats de lutte et de boxe. Ah oui? OK. Oui. En face du Parc Saint-Noël? Oui. Hein? OK. Fait que, écoute, c'était un gros bâtiment pour ça. Et puis, parce qu'il faut ce qu'il faut dire, les gens ne savent pas, mais à sa retraite, Joe Louis a commencé une carrière d'arbitre de lutte. OK. Là, vous allez dire, arbitre de lutte drôle de seconde carrière. Ouais. Mais, tu sais, juste pour vous dire, parce que Joe Louis, quand il est venu en 1953 à Thetford Mines, il s'est arrêté avant ça à Québec. Sur son parcours, tu sais. Ouais. J'imagine l'avion atterre à Québec, j'imagine. Fait qu'il y a plus de temps qu'il est à Québec, mais il est allé arbitrer la lutte à Québec le soir avant de venir à Thetford Mines. Okay. Selon toi, là, comment tu penses que ça peut y avoir apporté, arbitrer un gala de lutte à Québec en 53? En un seul soir? Ouais. Une centaine de dollars? 700 beaux dollars. Hé, c'était de l'argent, ça, à ce moment-là. Fait que ceux qui pensent que c'est une job, ils ont pris une petite job-in de même, là. Non, ils vivaient. Ouais, hein, 700 dollars pour une soirée. J'ai malheureusement pas trouvé le tarif qui était payé pour arbitrer ici, à Thetford Mines. OK, là, c'est l'arbitré. Ouais, il arbitrait aussi au Stadium Payeur. C'est pour ça qu'il était là. OK, oui, t'as raison. Ouais. Et puis, juste pour finir, vous allez voir que le journaliste du Soleil qui l'a couvert à Québec la veille de venir à Thetford Mines, je voulais vous le lire parce que. Il décrit un peu Joe Louis, puis on voit qu'il y a un peu de racisme quand même dans ses descriptions de l'époque. Hein? On dit Joe Louis n'a guère changé. Sa démarche lancinante et ses allures laissent clairement deviner les caractéristiques propres à sa race. Et c'est quand même assez raciste, hein? Oh, oui. Et surtout son lieu d'origine dans l'Alabama. Une calvitie précoce fait reculer petit à petit l'épaisse touffe de ses cheveux crépus et ses réflexes ne semblent plus du tout ceux qui lui permettaient de devenir la tête d'un rival dans l'arène qui lui permettait également de le descendre d'un coup de masse. Hey boy. C'est ce qu'on dit du jeu de Joe Louis. Donc, une journée avant qu'il arrive à Thetford Mines dans le journal Le Soleil. Est-ce qu'on peut dire que c'est encore le plus grand boxeur qui a passé, Stéphane? De l'histoire, oui. Je pense que c'est... Joe Louis, il y a celui qui a eu Mohamed Ali. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a eu quelques-uns grands, mais je pense que c'est l'un des plus grands. Hein, Il doit avoir, d'ailleurs, je veux dire, en 1981, il était nommé... le boxeur du siècle. Oui. Fait que c'est pour dire qu'à l'époque, c'est déjà, on l'avait reconnu. Marqué, ben oui. Juste à finir avec la lutte avant, ceux qui sont surpris, je dis qu'il y avait de la lutte. Il y avait de la lutte à Thetford Mines? Oui, il y avait de la lutte à Thetford Mines. Et dès 1905, on dit qu'il y avait déjà de la lutte à Thetford Mines. Hein? Ça vous donne une idée, là? C'était populaire. Puis vous dites à quoi ça pouvait ressembler. Écoutez, j'ai trouvé une description d'un gala de lutte en 1953 au Stadium Palais à Thetford dans le journal. Juste vous lire un petit extrait. On dit les quelques 800 personnes, donc ça tient quand même déjà du monde. C'est déjà bon. Qui ont installé la séance de lutte du Stadium Palais n'ont pas été désappointés. En demi-finale, le lutteur japonais aux 1000 prises, Sumamoto, a fait preuve de grande vitesse, de beaucoup d'adresse, mais surtout d'une sauvagerie et d'une cruauté jamais égalée pour difficilement battre l'habile Georges Gagné. Après 14 minutes de coups illégaux et traites, Georges Gagné a demi-touffé et réalisant qu'il avait affaire non pas à un lutteur civilisé, mais plutôt à une bête féroce, égaré, cédait la chute à Sumamoto. Hey boy! Ça vous dit un peu l'allure des combats de lutte de 1953. Hey, vraiment le fun, Stéphane. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur la visite de Joe Louis à Thetford Mines le 22 novembre 1953. Et le prochain coup qu'on va se voir, on va parler du parcours du Canadien Junior en 1977 qui a participé au tournoi de la Coupe Memorial. Et ça, c'est une équipe qui joue ici à Thetford. Oui, et avec des grands noms comme Marc Tardy, Réjean Houl. Et Gilbert Perrault. Gilbert Perrault aussi, ça joue ici à Thetford. Ça va être le fun. Hey, merci de ton passage en studio. Merci, Alain.